Il ne sera jamais possible de savoir avec certitude pourquoi la sélection naturelle a favorisé des adaptations en vue de la bipédie. Cette assertion du paléoanthropologue Daniel Lieberman est-elle sur le point de devenir caduque ? Une étude publiée à la fin de l'année dernière atteste de la bipédie au moins occasionnelle d'un grand singe découvert en Allemagne et dont le fossile remonte à plus de 11 millions d'années. Est-ce un indice déterminant pour comprendre pourquoi les espèces dominines se sont redressées ou au contraire un élément supplémentaire dans le puzzle complexe dont il est encore difficile de deviner le dessin ? Homo, lève-toi et marche, c'est le programme bien droit qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cette énigme du passage de la quadripédie à la bipédie, essayer d'en comprendre les raisons, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christine Tardieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste de l'évolution, paléontologue et directrice de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle dans l'équipe Mécanismes Adaptatifs et Évolution. Et nous serons en ligne dans quelques minutes avec Brigitte Sénu, qui est paléontologue et professeure également au Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle fait chaque jour marcher la science sur ses deux jambes. C'est l'heure de retrouver Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer, le sujet du jour, en Antarctique, les physiciens ont détecté d'étranges particules que l'on ne peut pas expliquer. Et ces particules ont été détectées par ANITA, l'antenne transitoire impulsive d'Antarctique. C'est un détecteur de neutrinos à très haute énergie placé sur un énorme ballon. L'intérêt du ballon, c'est qu'il recouvre un volume de détection très large. En 2006, puis en 2014, ANITA a détecté trois signaux qui sont compatibles avec le passage d'un neutrino à très haute énergie issu du cosmos. Mais les caractéristiques de ces événements ne collent pas avec le modèle standard de la physique des particules. Pour tenter d'expliquer leurs sources, une équipe internationale a recoupé ces données avec les informations enregistrées par IceCube, l'observatoire de neutrinos, lui aussi basé en Antarctique. Dans leurs résultats, parus sur le site Archive, la dernière hypothèse possible pour expliquer leur origine vient d'être exclue. Antoine Kouchner est professeur à l'université Paris Diderot et directeur du laboratoire Astroparticules et Cosmologie. Cette hypothèse que c'est une origine astrophysique pour ces neutrinos, mais qu'elle viendrait de source et donc pas une émission diffuse dans l'univers, qui restait viable, semble ne plus l'être. Donc ça écarte un des scénarios possibles pour une origine astrophysique, et quand je dis origine astrophysique, c'est-à-dire une source cosmique, une source dans l'univers, qu'on peut identifier par ailleurs. Donc c'est un scénario astrophysique extrêmement contraint désormais. Je dirais que d'une certaine façon, il nous reste une solution qui serait effectivement une nouvelle physique, quelque chose qu'on n'a pas du tout compris, ou bien une erreur ou une mauvaise compréhension expérimentale de leur dispositif. La difficulté principale, c'est que ce sont des particules qui auraient traversé la Terre. Effectivement, les neutrinos sont susceptibles de traverser la Terre parce qu'ils interagissent très faiblement. Mais en réalité, ça dépend de leur énergie. Et à très haute énergie, aux énergies qui sont détectées par ANITA, ça devient extrêmement difficile dans le modèle standard. On prévoit une certaine probabilité d'interaction. Donc c'est très curieux que des neutrinos d'une telle énergie aient pu traverser des distances aussi grandes dans la Terre. Là, on parle d'environ 5000 km à peu près pour les événements dont il est question. En fait, ils auraient dû être absorbés. Donc déjà, ça, c'est curieux qu'ils puissent avoir été observés. Mais d'où une certaine excitation, parce que si tel est le cas, si c'est vraiment ça, alors ça veut dire qu'on n'a pas très bien compris le modèle standard. Et donc, effectivement, dans ce cas-là, il y a des gens qui sont très enclins à proposer des phénomènes nouveaux, quelque chose qui est inconnu. Mais là-dessus, il faut rester très prudent. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, comme tous les jours, vous pouvez retrouver le lien vers la prépublication ainsi que vers des articles de vulgarisation de ces questions ainsi que des autres sujets du Journal des Sciences et de l'émission. C'est sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc ainsi que sur le site de la méthode sur franceculture.fr. Et on passe au bref. La déforestation de la forêt amazonienne s'aggrave. Selon les observations satellitaires de l'INPE, l'Institut de Recherche Spatiale, plus de 9000 km² de forêt ont été détruites en 2019. C'est une augmentation de 85% par rapport à l'année 2018. En parallèle, l'ONG Human Rights Watch a publié mardi un rapport qui dénonce l'actuelle politique environnementale du président brésilien Jair Bolsonaro. Ce rapport rappelle aussi que les énormes incendies qui ont frappé l'Amazonie sont les conséquences de cette déforestation. À partir du 15 avril, la prescription de Tramadol en France sera réduite à 3 mois. Ce puissant antidouleur à base d'opiacés est aujourd'hui prescrit sur des durées maximum de 12 mois. Alors, cette mesure est prise par l'Agence nationale du médicament pour réduire les risques de dépendance et les surdoses. Le ministère de la Santé tire des leçons à de la crise des opioïdes aux États-Unis. La situation n'est pas comparable, mais on observe une hausse des décès liés à la mauvaise utilisation de ces médicaments. Donc après 3 mois, pour poursuivre un traitement sous Tramadol, il faudra désormais une nouvelle ordonnance. Et enfin, selon The Journal of Gerontology, être riche allonge l'espérance de vie en bonne santé de 9 années supplémentaires. On s'en doutait, mais cette vaste étude montre comment les facteurs socio-économiques affectent l'espérance de vie en bonne santé. Une équipe internationale a comparé les données médicales de plus de 25 000 adultes, américains et anglais, âgés de plus de 50 ans. Après 50 ans, les hommes et les femmes, les plus riches, peuvent avoir jusqu'à 31 ans d'une vie plus saine avant de connaître un déclin. Pour les plus pauvres, ils ne peuvent espérer que 22 ans de vie saine. Les personnes les plus riches bénéficient donc d'une meilleure santé pendant 9 ans de plus que les personnes défavorisées. Merci beaucoup Natacha, demain pour un prochain journal des bonnes nouvelles et puis demain par ailleurs, ce sera aussi un vendredi fiction, donc ce sera l'heure de retrouver le journal de la science-fiction. À demain. Le 6 novembre dernier, une équipe de l'université de Tübingen en Allemagne publiait dans la revue Nature les résultats de ses recherches, à savoir la découverte en Bavière d'un fossile de grand singe inconnu jusqu'alors, nommé Danuvius guggenmossi, remontant à plus de 11 millions d'années et qui présenterait, selon les auteurs, les tout premiers signes de bipédie. De quoi donc rajouter de l'eau au moulin de cet insoluble débat de la datation de l'apparition de la bipédie et de ses raisons? Un débat qui divise depuis la nuit des temps, oserait-on dire, la communauté des paléontologues et des paléoanthropologues. Comme en atteste notre archive du jour, c'est Henri Valois, le directeur du Musée de l'Homme dans l'heure de la culture française, en février 1959. L'apparition de la station debout a suscité beaucoup d'hypothèses. Certains avaient suggéré qu'un cataclysme, comme un incendie de forêt, aurait brusquement obligé nos ancêtres à vivre sur le sol. D'autres font intervenir une disparition lente et progressive de la forêt, soit par suite d'une diminution des pluies, soit en raison de modifications géologiques diverses. Mais ces conceptions ne résolvent pas la principale difficulté, qui est de savoir pourquoi un singe, abandonnant la vie dans les arbres, se serait mis à marcher debout, alors qu'il suffit d'aller dans un jardin zoologique pour voir que les petits singes qui vont et viennent sur les rochers gardent une allure quadrupède. Une explication logique paraît avoir été fournie par l'anthropologiste anglais Keith, qui a fait remarquer que le redressement du corps ne se produisait vraiment que chez les quelques singes qui se déplacent dans les arbres en se suspendant par les bras. La colonne vertébrale et les articulations des membres acquièrent alors une structure qui les incite, lorsqu'ils sont sur le sol, à garder le corps vertical, donc à marcher debout. Voilà, Henri Valois, directeur du Musée de l'Homme en février 1959. Une réaction, peut-être, Christine Dardieu, à bien cet énoncé d'un certain nombre d'hypothèses qui entourent l'énigme, effectivement, comme on va le voir, de l'apparition de la bipédie. Alors d'abord, ça m'a bien intéressé d'entendre Henri Valois, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ses écrits et que je le trouve excellent. Et par ailleurs, Arthur Kiss aussi, qui était au départ un orthopédiste, je me suis aussi beaucoup servi de ses travaux pour travailler en particulier sur le pied. Mais dans ce que j'ai entendu à l'instant, il y a certaines choses, une chose avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, c'est à cette époque-là, on représentait effectivement possiblement l'apparition de la bipédie en lien avec le fait que les animaux qui sont suspendus dans les arbres, on n'a plus qu'à lâcher les bras et on est au sol. Il y avait quelque chose de très, mais j'étais étudiante à l'époque et il fallait l'apprendre. Et on l'acceptait presque comme si, on descend en suspens, puis si on est déjà un peu redressé dans les arbres, ça va mieux. Mais en fait, c'est pas du tout une vue quand même anatomique poussée, parce qu'à l'inverse, moi, je peux vous dire que je suis sûre que ceux qui sont suspendus par rapport à nous qui sommes totalement en appui au sol et non pas en tension dans les arbres, nous avons acquis un squelette locomoteur qui est à l'opposé morphologiquement et musculairement de ces animaux. Vous comprenez bien que pour être le grand dorsal est extrêmement sollicité quand nous sommes en suspension, alors que nous, ce sont les muscles érecteurs du tronc et les abdos pour l'équilibre au sol qui est... Donc en fait, ces deux hommes sont extrêmement prestigieux, mais je pense qu'on a maintenant un peu plus d'arguments pour raisonner autrement, parce que si on pense que ce sont... de façon dominante des facteurs environnementaux, climatiques et de nourriture qui ont fait que pour se nourrir, pour survivre tout simplement, l'environnement a fait que la bipédie est devenue un mode bien utile. On discutera, on va prendre les choses l'une après l'autre, on va discuter déjà de ce qu'implique la bipédie évidemment sur la transformation de ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire sur la transformation physio-motrice, et puis on parlera éventuellement des hypothèses qui ont pu conduire ces populations de dominines ou de dominoïdes en tout cas à changer de posture. Je salue Brigitte Sénu qui vient de nous rejoindre, qui est avec nous en ligne au téléphone, bonjour. Bonjour, excusez-moi, c'est vraiment indépendant de ma volonté. Oui, ben nous, enfin, ça, ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est que vous soyez là et que votre confort d'écoute soit optimal pour pouvoir échanger autour de ces questions. Peut-être un mot, puisque je l'évoquais au tout début de cette émission, c'est ce qui nous a donné l'envie d'ailleurs d'en parler. C'est cette publication de Nature au mois de novembre dernier à propos de Danuvius Gugonmensi. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, Brigitte Sénu, de quoi il s'agit et si c'est effectivement une découverte importante pour éclairer, pour apporter une nouvelle lumière sur la possible apparition de la bipédie chez nos très lointains ancêtres, hein, puisqu'on est à plus de 11 millions d'années. Alors, c'est toujours très important d'avoir une nouvelle découverte de cet ordre, puisqu'il y a plusieurs fragments, dont un squelette, mais enfin très partiel. C'est une pièce qui vient d'Allemagne, ce sont des pièces qui ont 11,6 millions d'années, qui viennent d'Allemagne, donc d'Europe, des endroits où on connaît déjà plein d'hominoïdes dans le Miocène, que ce soit dans le bassin de Vienne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, en Italie, en Hongrie. On a énormément de données. Moi, j'ai peur qu'ils soient allés un tout petit peu plus trop loin dans leur explication, parce qu'il manque quand même des comparaisons importantes à partir de ce squelette. Alors, ce squelette, il faut savoir quand même qu'il y a un fragment du cubitus, un fémur, un tibia fragmentaire, et puis quelques os des mains et des dents. Donc, voilà où on en est. Donc, c'est quand même très loin d'être un squelette complet du style australopithèque ou hispanopithèque, par exemple. Mais il faut remarquer un certain nombre de données qui semblent rapprocher de certains caractères de l'homme. Mais moi, je serais un peu plus prudente parce qu'ils ont quand même marginalisé tout ce qu'on connaît en Afrique pratiquement, à part des choses bien maîtrisées, etc. Mais toutes les pièces qu'on a en Afrique plus anciennes, pour lesquelles on n'a pas de squelette, pour le coup, et on a des dents, sont complètement marginalisés, et ça c'est toujours un peu dommage, et ça c'est moi ça me laisse toujours un peu rêveuse. Bon, ceci étant, c'est important parce que c'est un système de locomotion qui est propre au Danuvius, hein, ça c'est clair. Je trouve que leur comparaison ont manqué de comparaison avec les pièces d'Austriacopithèque où on connaît justement des pièces du membre supérieur, et leur comparaison avec l'Oreopithèque est un peu limite. Alors l'Oreopithèque, pour le rappeler, c'est un grand singe qui vivait à peu près il y a environ 8 millions d'années en Toscane et qui a développé une bipédie qui lui est très particulière. L'Oreopithèque vivait sur une île et il présentait des adaptations au grimpé et à la bipédie, comme ça a été montré par plusieurs travaux de mécaniciens, de biomécaniciens. Et donc, on est certainement dans un autre schéma de ces proportions, à la fois grimpées et terrestres, et de bipédie. Mais c'est pas forcément l'ancêtre. Parce que quand on compare, on voit les comparaisons montrent des membres supérieurs extrêmement longs, qui se rapprochent énormément des chimpanzés. Toutefois, certains caractères vont rappeler les sapopithèques. Donc, on peut aussi penser à des marcheurs arboricoles. Et moi, je trouve que c'est un petit peu dommage de décrire le genou alors qu'on a un fémur écrasé. Alors, effectivement, il y a le tibia proximal qui a été reconstitué. Mais surtout, la colonne vertébrale, qu'on estime être proche d'un bipède reconnu, en fait, il y a peu de vertèbres. Alors, pour atteindre une colonne avec des vrais sigmoïdes, si vous n'avez que deux ou trois fragments de vertèbres, il faut être extrêmement prudent. Par ailleurs, ça soulève un autre problème, c'est le tronc redressé. Le tronc redressé, nous, on sait qu'il est présent dès 20 millions d'années. Donc ça, c'est pas l'apanage de l'homme, c'est l'apanage des grimpeurs lourds. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas trop évoqué ce genre de problèmes qui sont importants quand on replace l'être dans son environnement et dans son histoire. Mais ceci étant, c'est une découverte importante et c'est sûr que ça va entraîner un certain nombre de discussions, évidemment. Mais ça, c'est normal, c'est de la science. Merci beaucoup pour cette analyse très complète, Brigitte Sénu. J'aimerais évidemment avoir l'opinion de Christine Tardieu sur cette étude et puis ensuite on reviendra et on élargira un peu le cadre de nos débats à la bipédie en règle générale. Christine Tardieu. Bonjour Brigitte d'abord. Bonjour. Je suis heureuse de t'entendre. Comme tu es spécialiste du Miocène, donc tu es très bien placée pour parler de Donovius. Moi, je donnerais un avis plus modeste, mais il est vrai que en regardant les reconstitutions du tibia, ce tibia proximal assez robuste, on se dit tiens, c'est étonnant, ça m'a fait penser un petit peu au tibia de Anamensis, Australopithecus Anamensis, donc cette forme bipède un peu la plus ancienne parmi les australopithèques. Et puis il y avait aussi à la cheville quelque chose qui paraissait une poulie astragalienne à la cheville entre l'astragale et les malléoles du tibia et du péroné, que c'était assez symétrique. Mais à part ça, je trouve à lire cet article qu'il faut beaucoup plus retenir qu'ils ont ils proposent un mode de locomotion qui est un modèle qui peut être utile pour raisonner, mais que ça n'a rien à voir avec un ancêtre. Enfin, je sais pas, je pensais même pas que eux, dans leur résumé, dans leur article, ils avaient la prétention de dire que c'était un ancêtre. Voilà. Non, ils disent pas que c'est un ancêtre, ils disent que ça c'est une combinaison d'adaptation de bipèdes et de grands singes suspendus qui donne un bon modèle de l'ancêtre commun. C'est ça. Des grands singes et l'homme. Voilà. Ouais. Oui, ils n'établissent pas de lignage du tout, mais effectivement, ils sont plutôt dans l'ordre du comparatif. Peut-être un dernier mot sur cette étude, parce que j'aimerais évidemment qu'on élargisse un peu notre débat. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi pour les auditeurs, c'est que on parle de passage à la bipédie. Il s'agit de bipédie occasionnelle de toute façon, et évidemment pas de bipédie exclusive, et que pendant très longtemps, et pendant toutes les conversations de la discussion que nous allons avoir pendant l'heure qui vient, on va parler d'une adaptation progressive et non pas d'un redressement magique ou brutal qui se produirait en quelques générations, Christine Tardieu. Oui, absolument, et ça c'est complètement faux. Malheureusement, c'est une idée qui perdure aujourd'hui, et ça on le voit très très bien dans les médias, alors je suis désolée. Mais au contraire, on est précisément là pour rétablir un peu la vérité. Surtout dans les médias écrits, où on voit partout cette fresque d'une espèce d'animal à quatre pattes qui se redresse pour donner l'homme. Ça, c'est complètement faux. On le sait depuis, enfin, Christine le sait bien, je le sais bien, depuis qu'on a fait nos thèses dans les années 70, on a montré que ça, c'était des choses qui ne marchaient pas, sans mauvais jeu de mots. Et malheureusement, tout le monde utilise ce type, et même des chercheurs. Et je trouve que c'est grave, parce que du coup, on dit, mais la bipédie, il y a des dizaines de bipédies, et la bipédie de type humain, c'est quelque chose qui est très particulier, et qu'on ne voit pas partout. Et vous avez tout à fait raison, ces bipédies occasionnelles sont bien plus répandues, bien plus diversifiées qu'on ne le pense. Christine Tardieu. Oui, je voudrais dire un petit mot qui va conforter ce que vous disiez, vous, Nicolas. C'est en fait, j'ai envie qu'on parle de la bipédie. Elle a pu être occasionnelle, facultative, puis ensuite plus fréquente, et puis enfin permanente. Alors, permanente et donc surtout pas facultative, c'était plus possible. Et c'est vrai qu'on évoque cette bipédie dans les arbres. Moi, je suis assez, je trouve ça très difficile de trancher, parce que la bipédie dans les arbres ne prépare pas vraiment, à part une capacité à redresser le tronc, mais c'est très minime, c'est très ténu comme indice, et que la bipédie au sol, le fait d'être en charge, enfin ça c'est tout mon travail, moi je travaille avec des cliniciens orthopédistes, devait être tout le corps en charge et d'apprendre à marcher, ça a changé totalement le squelette. Et de se dire, est-ce que la bipédie est apparue dans une forêt, donc dans les arbres, et non pas dans la savane, c'était une forêt très clairsemée ou c'était une savane très forestière, je trouve que c'est un peu... pas une très très bonne problématique. Et on rediscutera tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission des éventuelles raisons qui auraient pu justement encourager, qu'elles soient d'ailleurs environnementales ou posturales. On verra tout cela dans la deuxième partie. Mais avant tout, on va déjà essayer de comprendre ce qui change quand on passe de 4 à 2 pattes et qu'est-ce qui se modifie bien dans la structure morphophysiologique. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20, vous écoutez la méthode scientifique. Nous parlons du passage à la bipédie en compagnie de Christine Tardieu et Brigitte Sénu. Alors peut-être peut-on dire, Brigitte Sénu, en quelques mots, qu'est-ce qui change, qu'est-ce que ça change concrètement de façon physiologique, mécanique, sur un squelette, sur les muscles, sur la musculature, le passage de 4 à 2 pattes? Comment on va, et donc quels sont les indices que l'on va rechercher quand on va découvrir précisément des fossiles? Peut-être on peut se concentrer sur les principales modifications. Alors déjà, votre question, si je peux me permettre, n'est pas tout à fait exacte, parce qu'on passe pas de 4 pattes à 2 pattes. Moi qui travaille beaucoup sur des périodes anciennes, on s'aperçoit quand même qu'on a des animaux qui marchent à 4 pattes, mais qui marchent pas à 4 pattes en s'appuyant sur les 4 pattes au sol. C'est pas ça du tout. Et aujourd'hui, justement, le passé arboricole est important, parce que quand vous êtes dans un milieu forestier, où vous êtes obligé de voir loin, de repérer les prédateurs, la nourriture, etc., vous avez un raccourcissement de la face, et ce raccourcissement de la face va entraîner effectivement une position différente du foramen, et quand vous êtes au sol, vous gardez cette face plate avec son aspect, j'allais dire, de position tridimensionnelle. Donc déjà, ça, c'est pas lié directement à la quadrupédie, c'est lié déjà à la vie dans les arbres. Ensuite, dans les différences majeures avec les quadrupèdes, alors si vous prenez, tout dépend du type de quadrupède que vous allez prendre, si vous prenez un babouin ou si vous prenez un cercopithèque, c'est pas tout à fait la même chose. Et le principal caractère est quand même sur la colonne vertébrale d'avoir cette colonne à 4 courbures avec des amortisseurs qui sont les disques intervertébraux. Vous avez une possibilité d'étendre le cerveau, la boîte crânienne, et ça on le voit bien puisque parallèlement au déplacement du foramen manum, le trou par lequel passe la moelle épinière, on s'aperçoit aussi qu'il y a un élargissement de la partie postérieure du cerveau. Donc tout ça, ce sont des choses corrélées et qui sont importantes. En outre, il y a également un allongement du membre inférieur par rapport aux dépens du membre supérieur qui va devenir un peu plus court. Et tout justement, ce qui est intéressant pour comprendre l'histoire de la bipédie, c'est de comprendre tous ces problèmes, ces problèmes de proportions corporelles au cours du temps et dans un temps T donné. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, chez les australopithèques, des animaux qui vont être plus ou moins grimpeurs, plus ou moins terrestres, et on va s'apercevoir que les proportions corporelles vont être différentes d'une espèce à l'autre ou d'une sous-espèce à l'autre selon les cas. Donc ça modifie à la fois le cerveau, donc la possibilité d'agrandir sa boîte crânienne, ça modifie aussi sa manière de voir, puisqu'on ne voit plus au sol, mais on va voir loin devant. Ça modifie aussi les proportions, puisque vous allez faire des enjambées plus longues au sol, et moins longues si vous êtes bien sûr moins bipède. Et puis surtout, il y a tout l'aspect bien sûr de comment culturel, puisqu'on s'aperçoit que les premières prémices d'utilisation d'outils, c'est quand la bipédie devient bien, bien meilleure. Donc il y a certainement un lien là. Ceci étant, je ne suis pas d'accord quand on dit la bipédie libère la main, puisque quand vous imaginez des animaux qui manipulent, ils ne manipulent pas debout, mais en général assis. Donc là, c'est d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Mmh. Et ça modifie énormément de choses sur le côté anatomique, bien sûr physiologique, puisque c'est lié, du côté nerveux, mais là ça nous échappe à nous paléontologues, du côté nerveux, puisque vous avez aussi des connexions plus nombreuses, plus importantes, hein. Donc c'est des choses qui nous échappent à nous paléontologues, mais on a quand même les données du crâne par les moulages endocriniens, ça c'est clair. Christine Dardieu, pour rebondir sur ce que nous disions il y a quelques minutes à peine, effectivement, hein, on ne passe pas d'une position, alors, disons de la quadrupédie, pour ne pas dire à quatre pattes, mais enfin, en tout cas, d'autres formes de locomotion qui sont multiples d'ailleurs, à deux pattes, à quatre pattes, arboricoles, par suspension, on passe pas de 4 à 2 comme ça en claquant des doigts. Donc, comment est-ce que, finalement, quels sont les indices physiologiques dont on dispose qui permettent de recomposer les méthodes de locomotion diverses, que pouvaient avoir justement ces espèces anciennes? Alors, je vais essayer de répondre. D'abord, en enlevant, on dit souvent, quand j'étais étudiante, jeune chercheuse, tous les médecins disaient, le professeur Delmas, la bipédie a commencé par les pieds. Alors, tout faux, la bipédie a commencé par tout sauf les pieds, mais en fait, elle a commencé par le bassin, parce que mes propres travaux depuis longtemps sont sur le bassin et la colonne vertébrale. Et en fait, j'ai pu récemment écrire un article dont le titre était... À l'époque des australopithèques, déjà, un lien fonctionnel existait entre la colonne vertébrale, les courbures vertébrales et le bassin. Vous devez imaginer le bassin en vue de profil. Et c'est une collaboration très longue avec des cliniciens, des grands découvreurs, d'un angle du bassin de profil dont on va parler pour plus tard. Mais en fait, la bipédie n'a pas commencé par les pieds. C'est le bassin qui est la pièce principale parce que c'est le bassin qui commande les courbures vertébrales. C'est-à-dire que le bassin, c'est en T versé. Décrivons d'abord, depuis toujours, et Brigitte pensait à cette modification, elle n'en a pas parlé, mais le bassin, qui est un bassin très haut chez les grands singes, chez tous les grands singes, est devenu chez nous un bassin bas, parce que se sont rapprochés ainsi, c'est de la mécanique, les articulations sacro-iliaques, vous voyez, entre les ilions et le sacrum, c'est la fin de la colonne vertébrale, c'est le tronc, s'articule avec le bassin, et les hanches. C'est le poids du corps, quand on est debout, est transmis des sacro-iliaques, ces articulations aux hanches. Et bien cette distance, quand elle est très grande, si on se met debout, il y a des cisaillements infernaux. Donc nous, on a une distance très petite. Donc le bassin est bas. On va vous mettre tout de suite sur le fil Twitter un schéma pour que vous puissiez visualiser effectivement la différence entre ces deux bassins très hauts et étroits et très larges et très bas pour les hominidés. Je visualise. Oui. On va vous mettre juste un schéma pour les auditeurs, je veux dire. Voilà. Pour les auditeurs. Voilà. Qui puisse se référer à un visuel s'ils le souhaitent. Oui. En fait, le bassin de face, c'était compris ça depuis toujours, est très important. C'est un bassin où la transmission du poids du corps de la partie supérieure du corps aux membres inférieurs est faite de façon économique puisque le bassin est bas. Mais ce qu'on ne connaissait pas du tout et qui ne pouvait être révélé en fait que cliniquement grâce à des radiologies complètes de la colonne vertébrale et du bassin de profil, on appelle ça la vue sagittale, et j'ai travaillé pendant des années avec la découvreuse madame Geneviève Duval-Beaupère à l'hôpital de Garches, qui a découvert un angle du bassin qui est un angle qui s'appelle l'angle d'incidence pelvien, qui est en quelque sorte un angle qui permet le déploiement des courbures vertébrales. Donc de façon très intéressante, cet angle, vous pensez bien, quand le bassin est passé d'une très grande hauteur à une faible hauteur, en profil, cet angle a diminué puisque il se mesure, vous avez sur votre dessin peut-être. Mais, ça on va, et les deux dessins viennent d'être postés par Noémie Naguette-Saint-Ville-Franck qui live tweet l'émission tous les jours. On a effectivement l'anatomie comparée d'un bassin de chimpanzé et d'un bassin humain, et l'anatomie comparée également de l'angle d'incidence du bassin de chimpanzé. Du bassin humain, vous pouvez voir ça sur @laméthodefc ou sur franceculture.fr, la page de la méthode scientifique. Super, alors. Alors justement, cet angle qui, en gros, nous montre la position de profil du sacrum par rapport aux hanches. Vous voyez, si vous superposez le sacrum aux hanches, que le bassin est vertical comme ça, c'est instable. Et nous, le sacrum a reculé par rapport aux hanches. Et cet angle, qui est la perpendiculaire au plateau sacré et la droite qui lie le centre du plateau sacré aux hanches, cet angle, s'il est tout petit, eh ben vous êtes sûrement pas bipède. Et les grands singes, quand ils sont bipèdes, c'est vraiment pas grâce à leur angle d'incidence. Ils sont tout à fait instables. Et si cet angle grandit parce que le bassin s'est modifié, c'est la fête. C'est déjà une possibilité de s'équilibrer. Mais, chose infiniment plus importante, et là, on va aborder l'autre côté des modifications de la bipédie. Tout ce dont on parle, là, c'est des modifications génétiques liées à la sélection naturelle, ce que nos gènes ont fait. Mais maintenant, mon travail m'a beaucoup conduit à parler. La bipédie aussi présente tout un versant. C'est au cours de l'apprentissage de la marche, le petit homme modifie son squelette pour répondre au défi de l'équilibre bipède qui est très, un vrai défi très difficile. Et d'ailleurs, c'est parfait puisque justement l'autre indice que l'on peut trouver dans le registre fossile qui est une trace de la bipédie plus ou moins prononcée, c'est justement une trace acquise puisqu'il s'agit de l'angle d'obliquité du fémur. Brigitte Sénu, peut-être vous pouvez nous en dire un mot puisque cet angle oblique, en fait, il se développe avec l'apprentissage de la marche du nouveau-né jusqu'à l'âge adulte, ou en tout cas jusqu'à la station debout. Oui, et puis il est lié à ce que disait Christine également, l'élargissement du bassin. À un moment, si vous voulez rester mécanique et quand vous êtes debout, vous êtes obligé d'avoir un rétrécissement au niveau des genoux quelque part pour rester mécaniquement fiable. Et du coup, les chimpanzés qui ont des bassins très très hauts, avec des ilions très très droits et verticaux, finalement, ils ont des fémurs qui sont parallèles. Donc, ils ne peuvent pas rejoindre leurs genoux à quelque part. Quelque part, notre facilité à nous de bipède, c'est de pouvoir joindre, toucher les deux genoux par cette obliquité de la diaphyse fémorale et qui est là pour compenser l'élargissement du bassin. Et ça, on l'observe chez les hominidés fossiles. On l'a déjà chez Lucie en partie, on l'a chez d'autres australopithèques. Peut-être avant, mais malheureusement avant, on n'a pas les parties inférieures des os. Donc on ne peut pas reconnaître cette obliquité. Mais c'est un bon marqueur de la bipédie, ça c'est sûr. Et on va discuter dans quelques minutes justement de l'apparition de ces marqueurs dans les différentes espèces d'hominines, des plus anciens, dont il manque parfois beaucoup de pièces, comme Toumaï, aux plus récents. On en parle dans un instant. One foot up, one leg down, one leg up, and a hole in the ground. It's Lord, Lord, walking down the railroad line. Lord, Lord, I'm walking down the railroad line. Ain't got a job, ain't got a cent. If I ain't broke, I'm badly bent. It's Lord, Lord, walking down the railroad line. Me, Lord, Lord, Lord, walking down the railroad line. Frisco Bay to old New York, I've been looking for a job of work. It's Lord, Lord, walking down the railroad line. Lord, Lord, walking down the railroad line. That Mississippi's full of ice, I ought to know cause I fell in twice. It's Lord, Lord, walking down the railroad line. Lord, Lord, Lord, Lord, walking down the railroad line. Walking down that railroad line de Woody Guthrie sur France Culture à 16h33. Walking, puisque c'est ce dont il est question, de l'apprentissage de la marche sur deux jambes et non plus sur quatre, du déplacement sur quatre membres. Nous parlons de l'apparition de la bipédie en compagnie de Christine Tardieu, qui est biologiste de l'évolution et paléontologue et directrice de recherche CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Brigitte Sénu, qui est paléontologue et professeure également au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, que peut-on dire aujourd'hui compte tenu que, pardon, excusez-moi, pour comprendre justement comment s'effectue le travail sur le registre fossile. Bonjour Céline Lezen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes rendu au laboratoire d'histoire naturelle de l'homme préhistorique au musée de l'homme à la rencontre d'un chercheur qui travaille sur des modèles mécaniques. Oui, en partie. À partir des fossiles, que ce soit des fragments d'os de pied ou d'autres articulations comme le bassin, il est possible de retrouver des modes de locomotion. Il faut aussi prendre en compte l'anatomie supposée et l'écosystème d'origine pour obtenir des modèles assez réalistes. Mais pour tester ces modèles bipèdes, on a aussi besoin d'observer la marge de primates actuels comme le babouin. C'est ce que fait Gilles Berrion, qui est paléanthropologue et qui travaille sur des expériences visant à tester la marche chez le babouin. Avec l'aide de biomécaniciens, de paléontologues et d'ingénieurs, il a mis en place une station expérimentale où il fait des marches, où il fait marcher des babouins sur un tapis roulant. L'idée est de tester leur tendance à adopter une marche debout, qu'elle soit occasionnelle ou bien nécessaire. Je travaille sur les vestiges d'hominines fossiles et je m'intéresse plus particulièrement à la bipédie par une approche comparative. Donc j'utilise des modèles actuels primates pour essayer de comprendre comment ces hominines pouvaient se déplacer. Donc j'utilise ces modèles primates en regardant leur anatomie et puis j'essaie de faire le lien avec le mouvement que cette anatomie permet de réaliser. À la base, on fait du terrain, hein, on n'est pas paléoanthropologue dans son bureau à regarder un écran et à traiter de la donnée. On essaie d'aller chercher du matériel. Là, on est dans votre bureau, dans votre laboratoire, et on a quelques échantillons sous la main de moulage de restes que vous avez pu trouver sur le terrain. D'où proviennent ces restes? Et qu'est-ce qu'ils vous ont permis de pouvoir inférer sur la locomotion? Là, les quelques moulages qui sont disponibles ici sont des moulages d'Afrique de l'Est. Là, je vous montre un petit pied que... Ouais, donc, c'est un moulage de pied. Oui, c'est un moulage de pied reconstitué qui a été attribué à l'espèce Homo habilis, qui est daté de 1,8 million d'années. Donc ça a été trouvé en Tanzanie, dans les gorges de l'Olduvai, début des années 60. Ce pied fait à peine une dizaine de centimètres de long. Il en manque un peu parce que bon, bien sûr, talon, bien sûr, déjà ça c'est un vestige, mais vous avez quasiment tout ce qu'on appelle tout le tarse, là, tous ces petits os emboîtés les uns dans les autres, et tout le métatarse, les 5 os métatarsiens, ici il manque les extrémités. Voilà, 1,8 million d'années, trouvés en association avec des vestiges crânio-dentaires et d'autres vestiges du squelette infracrânien, voilà. Comment, à partir de ce vestige, vous arrivez à reconstituer un type de locomotion à partir de l'étude des articulations, des zones d'appui? Alors, sur le pied, on peut déduire un certain nombre d'informations de type architecture ou fonctionnement du pied, mais tout seul... Il faut autre chose que le pied pour pouvoir généraliser une marche. Il faut autre chose qu'un spécialiste du pied, il faut autre chose qu'un paléoanthropologue. Quand vous étudiez les os et que vous vous intéressez aux fonctions, vous allez faire appel à des gens qui sont spécialistes de ces fonctions. Donc des biomécaniciens, des roboticiens, des spécialistes en informatique, en mathématiques, en modélisation. Alors nous on fait de la modélisation anatomique de fossiles et on va essayer de produire, générer un mouvement plausible compte tenu de l'anatomie de cet individu-là. Par exemple, là, qu'est-ce que vous avez pu réussir à reproduire comme structure? Alors voilà, on va se focaliser sur Australopithecus afarensis. Donc c'est les restes de la ceinture pelvienne, donc ce qu'on appelle le pelvis, ok, communément appelé bassin chez l'homme. Oui, on voit le sacrum avec les trous. Voilà, vous avez le sacrum avec les petits trous, effectivement. Vous avez là le fémur gauche, et puis vous avez le tibia droit. Ici, qui est en deux morceaux, avec un petit espace qu'on a du mal à combler, donc on a une incertitude sur la longueur du tibia. Vous avez un bout de fibula, ce qu'on appelle le péroné en fait. Et puis vous avez un tibia qui est vertical. Qui dit tibia vertical, ça veut dire une position, c'est mécanique. Hein, une station debout. Une station debout. Si ça doit tenir, ça peut qu'être vertical. Sinon, ça se casse la figure. On regarde la répartition des masses, du coût énergétique peut-être. Voilà, surtout la distribution des masses. Hein. Alors après, vous faites une modélisation anatomique dans le sens où vous allez rendre cette structure anatomique accessible à un outil de calcul, dont le but va être de simuler une marche plausible en tenant compte des contraintes. Les contraintes, c'est les lois de Newton. Physique. Et donc, une fois que vous avez simulé ce mouvement, il vous faut le valider. Et c'est là qu'interviennent les modèles expérimentaux actuels. Vous allez prendre les os d'un babouin, d'un chimpanzé, vous allez reconstruire le squelette, vous allez appliquer votre outil de simulation de la marche, et vous allez voir ce que ça donne en sortie. Nous, on fait ça sur babouin à la station de primatologie, donc on a un plateau technique d'analyse du mouvement. Comme on le fait sur l'humain, avec des dispositifs hautement techniques, hein, avec des marqueurs partout, enfin avec plein de capteurs. Donc nous, on transpose ça et on l'applique à des primates non humains, et on voit si l'anatomie reconstruite permet de prédire un mouvement compatible avec ce qu'on observe au niveau expérimental chez ces espèces actuelles. Donc là, je vous montre une vue du dispositif expérimental. Donc vous avez une plateforme technique, donc avec des caméras, vous avez une passerelle instrumentée avec des plateformes de force. Là, vous avez quelques ordinateurs, des caméras à haute vitesse. Et donc, quand vous filmez, ben voilà, vous avez un petit babouin. On voit bien comment il se déploie pour se mettre debout et il fait quelques pas vers l'avant. Là, il fait quelques pas vers l'avant. Ben là, il se tient, vous voyez, c'est plutôt... Il y a une bonne posture, on voit qu'il tient dans le tronc. Ah oui, il tient, le tronc, hein, il n'est pas sub à quatre pattes, hein, il est quasiment érigé sans tronc. Ça a l'air d'être une démarche vraiment naturelle, en tout cas. C'est très naturel, nous, c'est ce qui nous intéresse, hein. C'est de caractériser cette marche et de savoir si c'est quelque chose que, bien qu'occasionnel, mal fait, ou si c'est quelque chose qui est répétitif et qui s'inspire de quelque chose disponible dans leur anatomie et dans leur contrôle moteur pour faire une marche qui, elle, est tout à fait efficace. Hein. Alors nous, ce qu'on essaie au final de faire, pour pouvoir accéder à ce contrôle, on essaie d'enregistrer l'activité musculaire. Et donc, on a entraîné certains singes. Là, c'est une vidéo. On regarde un babouin vu de côté qui marche sur un tapis roulant. On voit qu'il se déplace sur tapis en bipédie. Et ils sont capables de faire des dizaines de cycles de marche bipède sans être entraînés à la bipédie, hein, je précise. Hein. C'est pas de l'entraînement à la bipédie. C'est de l'entraînement à accepter la personne qui est en face, là, à accepter un tapis, à accepter le dispositif expérimental. La bipédie, ils la font tout de suite. Voilà comment inférer une bipédie probable à travers bien des analyses mécaniques de fossiles. Peut-être une réaction à Christine Tardy, à ce que vous venez d'entendre, à ce reportage. Ça m'amuse parce que justement, j'avais appris que les babouins qui marchaient sur le tapis roulant, là, ça m'avait bien plus cette idée qu'on leur donne quand même une petite récompense la première fois pour qu'ils acceptent de marcher bipède sur le tapis. Et après, ils sont contents, c'est vachement bien. Et on m'avait même dit... Ils ne reviennent pas à la culprédie. À chaque fois qu'on les entraîne, ils adoptent cette marche bipède. Et donc, c'est d'un point de vue fondamental, c'est très intéressant de voir ce que disait Gilles tout à l'heure. Si c'est si spontané, on voit bien dans l'évolution de la bipédie que ça peut être des choses qui peuvent s'établir avec... une partie, quelquefois, le comportement précède la modification génétique. En fait, c'est quelque chose de très intéressant de montrer cette facilité du babouin à se redresser. Voilà. Brigitte Sénu, à propos de ce reportage, justement. Moi, ça me fait penser aux travaux qui ont été faits dans les années 60-70 au Japon, au centre de primatologie d'Inuyama, où déjà on entraînait à marcher debout des macaques japonais. Et on s'est aperçu au bout d'un certain temps qu'en fait qu'il y avait une modification des trabécules de l'os, c'est-à-dire des porteurs, j'allais dire des témoins de l'évolution pour essayer d'être simple, de la structure de l'os en fait, et qu'il y avait ce changement. Ils continuaient à marcher debout tant qu'on les tenait, mais dès qu'ils, enfin plusieurs mois après, quand ils ont les laissé à leur vie normale, ils redevenaient quadrupèdes en fait. Mais voilà, donc c'est intéressant. Et de toute façon, ça pointe bien l'idée qu'il faut, l'anatomie comparée est fondamentale dans les travaux de paléontologie et notamment sur des problèmes de locomotion, parce que ce n'est qu'en comprenant le mieux les espèces actuelles qu'on pourra inférer mieux les espèces fossiles. Tout étant bien entendu que les espèces fossiles ne ressemblent en rien aux espèces actuelles. Évidemment. Donc, quand vous avez un squelette, le tout c'est de récupérer les os, bien sûr de voir les os, essayer de le réhabiller en tout cas musculairement, voir ce qu'on peut en dire musculairement, voir ce qu'on peut en dire mécaniquement, mais surtout ne pas essayer, comme c'est souvent fait dans la littérature, de coller un schéma actuel au fossile. Ça ne marche jamais, parce que le fossile a son propre mode de déplacement. Bien sûr, et puis on a entendu à quel point il pouvait être complexe et mêler différents types de modes de déplacement. Alors si on en revient à la préhistoire et les différents justement fossiles dont on dispose, complet ou d'ailleurs très incomplet pour les plus anciens. Aujourd'hui, quel est le consensus, Christine Tardieu, sur l'apparition d'une bipédie majoritaire, à défaut d'une bipédie exclusive, dans les différents types d'hominoïdes, si on remonte pour le plus ancien jusqu'à Toumaï? Brigitte est plus spécialiste que moi des premières époques avec Toumaï, Aurorine. Elle pourra en reparler, mais moi j'aurais envie de dire la chose suivante, c'est que dans ces premiers temps, où en fait nos auditeurs comprennent très bien qu'au départ, quand on est dans les arbres, il y a une polyvalence locomotrice des primates qui sont dans les arbres qui est très très grande. Et l'enjeu pour savoir comment on est devenu bipède, c'est sûr que c'est dans les arbres, et ben le grimper vertical, la suspension, la quadrupédie est associé à un petit peu de bipédie, et c'est ce pourcentage de bipédie qui va augmenter de plus en plus, et jusqu'à devenir donc occasionnel, plus fréquent et finalement permanent. Mais on voit bien combien il est difficile, quand des fossiles très anciens sont découverts, d'avoir, on n'a pas des indices massifs à l'époque de Toumaï, etc. Donc en fait, la question que vous posez est extrêmement, la réponse est forcément difficile. Et moi, j'ai tendance à penser que Toumaï, qui est le fossile le plus ancien à 7 millions d'années, on a encore beaucoup de choses à apprendre. D'où vient-il? Ce crâne, je pense que Brigitte nous dira qu'elle estime c'est un gorille femelle. Moi, je travaille beaucoup avec Gabrielle Machaud, qui est une chercheuse très très compétente dans le domaine à la fois de la géologie de l'Afrique, de la faune, de la flore, et qui essaye de comprendre l'évolution des hominidés en fonction de tout ce contexte. Et alors, autant Toumaï, on ne sait pas très bien d'où il vient à 7 millions d'années, mais on est très loin de pouvoir dire que c'est notre ancêtre. D'autant plus que les fémurs ne nous avancent à rien vu les circonstances. Il faut rappeler aux auditeurs qu'effectivement Michel Brunet il y a un fémur qui est réapparu, qui est issu de la même fouille et qui devait donner lieu à des publications qui n'ont pas eu lieu encore maintenant. Et on a entendu tout à l'heure, dans ce que vous nous disiez l'une et l'autre, que le fémur est très important pour pouvoir déterminer ou non une station debout, même occasionnelle. Peut-être Brigitte Sénu, un mot à propos de ces très anciens spécimens que sont Toumaï ou Aurorine? Alors, rapidement, parce que rapidement, oui. Moi, je pense que de toute façon, bon, Aurorine, pour l'instant, alors c'est pas parce que je l'ai découvert avec nous l'équipe, mais c'est vrai que on a des fémurs, on a des phalanges, on a de mérus, on a quand même pas mal d'éléments maintenant, et c'est la bête qui a été utilisée, qui a été travaillée de manière indépendante, et tout le monde pointe la bipédie. Tout le monde n'est pas d'accord sur la place dans l'arbre phylogénétique, et ça c'est normal, et il faudra qu'on trouve plus avant que les choses se calment. En dit quoi, on se cale au niveau phylogénétique. Bon, Toumaï, on attend qu'on trouve bien sûr le fémur. Pour l'instant, moi, ce qui me gênait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos du foramen magnum, donc ce trou occipital, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il n'est pas seulement lié à la locomotion, mais il est lié aussi à la croissance du cerveau. Donc il faut être prudent dans la manière dont on fait les choses, et je suis sûre que les choses vont se caler dans les 10 prochaines années. Alors après, on a l'Ardipithèque. Alors l'Ardipithèque, le plus ancien, il est daté de 5,2 à 5,6 millions d'années environ. Et les seules preuves de bipédie, c'est une phalange du pied trouvée dans les niveaux supérieurs à 5,2 millions d'années. Or cette phalange, elle est courbe et elle ressemble à celle de Lucie. Alors on sait que c'est certainement un arboricole. Mais c'est pas parce qu'elle ressemble à Lucie qu'elle est forcément une preuve de la bipédie claire, si vous voulez. Une phalange, c'est quand même extrêmement limité. Et puis après, on a l'Ardipithecus ramidus qui a donné lieu à beaucoup de controverses de littérature, de reconstitution dans les médias, etc. À 4,4 millions d'années. Alors là, moi, je suis peut-être trop critique, en tout cas, c'est une excellente découverte, c'est une très belle découverte, mais je pense qu'on a été trop loin, parce que justement, le fémur n'a pas la partie proximale, la partie sale, c'est-à-dire qu'on n'a pas la genou, on n'a pas la hanche, et il a été reconstitué comme un fémur humain. Et moi, ça me gêne toujours parce que on extrapole quelquefois un peu trop loin. Le membre supérieur, il y a que l'avant-bras, le bras n'est pas connu. Et la colonne vertébrale qu'on a reconstituée comme une sigmoïde humaine, en fait, on ne connaît que deux vertèbres. Donc, il faut être, je pense, prudent. C'est une excellente découverte, c'est une belle découverte, mais c'est frustrant aussi. Chaque fois qu'on fait une belle découverte, on est frustré également. Et puis après, il y a les australopithèques. Alors, les australopithèques, en tout cas, les hommes anciens, les australopithèques, mais plutôt les australopithèques, sont les premiers à montrer des, bon, à part Aurorine sur la bipédie, mais bipédie associée au grimpé, mais chez les australopithèques, on a plusieurs bipédies, plusieurs types de bipédies associées au grimpé. On peut dire effectivement que pour Australopithèque, on dispose de suffisamment de fossiles pour attester que ce sont au moins des bipèdes occasionnels, voire solidement occasionnels. Est-ce qu'il est vrai, Christine Tardieu, je parle sous votre contrôle, que aujourd'hui il y a un consensus pour dire que la première bipédie exclusive, c'est celle de Homo ergaster? Ah oui, là vous sautez. Oh, je vais. Bah, il nous reste peu de temps, donc il faut avancer un peu. Non mais alors, Un petit mot sur Homo ergaster, c'est Homo erectus. Hein, c'est voilà. Pour simplifier pour les auditeurs, voilà. C'est disons Homo erectus. Oui. Mm. Et juste un petit D'où mot. Son nom, soit dit en passant. Moi, si j'aime bien les australopithèques, c'est vrai que sur tous les fémurs ont cet angle d'obliquité qui est très précieux pour moi et dont j'ai fait un peu ma spécialité parce que cet angle d'obliquité qui est donc acquis pendant la croissance, quand l'enfant apprend à marcher, Lucie l'acquérait ainsi, mais ce qui était nécessaire préalablement, c'était que, alors c'est plus dur, c'est que la fisse de croissance à l'extrémité distale de la diaphyse soit plane. C'est-à-dire, redites-nous exactement de quoi vous parlez là. Je prends une diaphyse, c'est le fût du fémur. Quand un os croît, il croît en longueur par des cellules qui viennent se mettre à l'extrémité de la diaphyse, mais les épiphyses croissent tout à fait indépendamment, elles ne sont pas soudées. Et en fait, j'ai montré que l'obliquité se fait uniquement sur c'est la diaphyse qui croît plus. Et elle croît plus uniquement parce que l'enfant, pour des raisons mécaniques, il charge plus, il comprime plus le côté interne de cette fisse de croissance et l'os répond par une croissance plus forte du côté comprimé. Mais en fait, il faut que cette fisse de croissance soit plane et horizontale. Or, j'ai montré que chez tous les mammifères, mais en plus chez tous les primates non humains, cette fisse est creusée de sillons et il y a un encastrement étroit pour éviter le décollement épiphysaire au cours de la croissance dans le contexte d'une vie arboricole. Donc les australopithèques, ils ont la fisse horizontale parce qu'il y a un fémur à 3 millions d'années qui a ça. Voilà. Donc alors, bien bipède. Dans les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on traite tout de même et qu'on évoque les scénarios qui auraient pu conduire à cette bipédie. Parce que, alors on va redire en quelques mots le scénario de l'East Side Story qui a été proposé par Yves Coppens en 1984. Mais est-ce qu'on peut dire brièvement, Brigitte Sénu, que en fait, quand on regarde d'un point de vue stricto sensu évolutif, la bipédie, ça n'est pas forcément un avantage dans un milieu qui change. C'est-à-dire que finalement, dans un milieu qui est en train de changer, la polyvalence a tout de même a priori plus d'avantages évolutifs que la monovalence ou en tout cas un déplacement fixé. La spécialisation, voilà, tout à fait. Oui, alors c'est vrai et pas vrai à la fois, parce que vous vous adaptez aussi à votre environnement qui change. Ça, c'est important. Alors, pour comprendre ces histoires d'origine ancienne, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire que la savane arborée, c'est un bon milieu. Seulement, la savane arborée, c'est un monde en soi. Vous avez des arbres qui vont être pauvres, petits, nombreux, pas nombreux, séparés les uns des autres. Ce qui est important pour tous ces problèmes de locomotion, c'est de comprendre aussi le substratum. C'est-à-dire que votre arbre, si votre structure, votre arbre, il est hyper fin, à un boulot, vous ne faites pas grimper un gorille, par exemple. Il faut savoir de quoi vous parlez. Et on a aujourd'hui d'autres éléments de réponse avec l'étude des miombos africains notamment. Et ces miombos, ce sont des savanes boisées, en fait, plus ou moins boisées, et qui ont l'avantage ou l'inconvénient, mais en tout cas, ce sont des savanes où il y a 4 à 7 mois de saison sèche, et seulement les fruits sont souvent disponibles le long des rivières. Donc, vous voyez, c'est quand même des végétations relativement restreintes. Il y a une seule saison de pluie par an, Alors que dans les autres régions du Sahel, c'est deux saisons de pluie. Il y a des fois, il n'y a pas du tout de pluie, ça arrive. Mais c'est aussi la structure des arbres est importante parce que les arbres ont des troncs verticaux. Et les arbres sont espacés les uns des autres. Ça veut dire que si vous êtes dans un milieu de ce style, où vous avez un petit hominoïde qui mesure un mètre, environ 1,20 m, qui ne va pas pouvoir coucher au sol s'il veut pas se faire bouffer par les prédateurs, il va aller dans l'arbre pour se réfugier, il va devoir grimper à cet arbre, mais il va être obligé de se déplacer d'arbre en arbre également durant la journée. Donc il y a cette dualité de locomotion en grimpé arboricole et terrestre. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire de structure de savane boisée, c'est qu'on les connaît aujourd'hui de l'Afrique australe jusqu'en Tanzanie, mais dans le passé, elles ont été signalées jusqu'à à peu près 10 millions d'années en Éthiopie. Donc la période où il y avait cette diversification des hominoïdes, en peu chimpanzés peut-être, en hommes peut-être, enfin peut-être qui ne vivaient pas tout à fait aux mêmes endroits non plus, eh bien c'était cette région, ce type de végétation était présent. Et moi je trouve ça très intéressant, justement parce que ça permet de mieux comprendre notamment la locomotion d'Aurorine, qui est un animal qui va grimper aux arbres, mais qui est aussi une bipédie relativement bien établie, avec des phalanges de pouces, des phalanges distales, les dernières phalanges du pouce, qui suggèrent un grimper avec une saisie de précision importante. Ça veut dire que si vous avez un animal comme un chimpanzé, par exemple, qui a des grands membres supérieurs et des petits membres inférieurs, et un homme qui a des petits membres supérieurs et des longs membres inférieurs, ils ne vont pas grimper de la même manière. Eh bien, les australopithèques ou aurorines, ils avaient leurs propres proportions et il fallait qu'ils assurent leur grimper également. Et ça peut être un type de végétation intéressant. Christine Tardieu, il nous reste quelques minutes peut-être justement pour conclure. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de consensus sur un scénario qui serait le scénario le plus vraisemblable, ce que vient d'expliquer justement Brigitte Sénu sur cette savane arboricole qui ressemble pas à la savane qu'on connaît aujourd'hui dans les grandes plaines africaines? Alors Brigitte donne des explications très intéressantes sur le type de paysage. Moi, j'aimerais dire que l'East Side Story qu'on a enterré dernièrement en disant ah ben oui, on peut se tromper, etc. Moi, au contraire, je travaille avec une personne qui me fait dire, c'est pas ma spécialité d'abord, que l'East Side Story n'est pas du tout terminée. Je vais en parler à Yves Coffin, ce que je vais rencontrer bientôt, mais je le défends. Pourquoi? Parce que à l'est de L'East Side Story, vous pouvez rappeler en deux mots vraiment ce que c'est pour les auditeurs. Le quoi? L'East Side Story, repréciser de quoi il s'agit, mais vraiment en deux mots. Bon, ben, le East Side Story que vous connaissez, c'est le fait que des grands bouleversements tectoniques et climatiques sur le Grand Griffe à 8 millions d'années ont provoqué une surrection, un affaissement, mais une surrection des crêtes occidentales qui ont barré la pluie. Et en gros, ça s'asséchait à l'est, et c'est là que les hominidés auraient appris la bipédie parce que c'était de plus en plus sec. Et de l'autre côté, il y aurait eu les ancêtres des grands singes seulement. Et alors, dans la forêt qui se maintenait. Dans la forêt, voilà. Et en fait, ce qui est nouveau, tout avait été mis en cause, en particulier par la découverte verte de Abel, Australopithecus baregalzi, qui a été découvert au sud du Tchad. Cet animal faisait dire l'histoire est plus possible. Il n'était pas du bon côté de la frontière, oui, pour voilà. Résumer. Et voilà. En fait, moi, je me bats parce que j'aime pas dire des choses fausses, mais il est très probable, à l'appui d'études de l'époque où c'est Abel était tout simplement un Australopithecus Anapamensis ou Afarensis qui a quitté Kenya, Tanzanie et qui est allé au sud du Tchad, mais il s'est trouvé emprisonné parce que les zones de passage qui étaient permises avant par des corridors d'eau qui permettaient de passer, qui permettaient aux mammifères mais aussi aux hominidés, on sait que climatiquement et géologiquement à 3,6 millions d'années c'était fermé, donc c'était un refuge. Et ça n'empêche pas l'East Side Story de se poursuivre. Voilà, donc l'hypothèse. Je peux intervenir juste en un mot et demi, parce qu'on arrive à vraiment à la toute fin de cette émission, Brigitte Sénu. Juste pour pour vous dire que l'Isaac Story, pour moi, ça marche pour des questions à la fois de climat et à la fois de temps, puisque Copain, sa divergence, la met à 10 millions d'années, mais pour la géographie, ça marche pas. Et ce qu'on a proposé, nous, il y a quelques années, c'est plutôt une variation climatique quand la glace au pôle Nord est devenue très importante, les ceintures climatiques qui a été remontées vers le Nord sont redescendues vers le Sud, et en fait, les ancêtres, il faut les chercher dans une zone non pas géographique, mais climatique passée, entre en gros 8 millions d'années et 5 millions d'années, 10 millions d'années et 5 millions d'années environ, entre le sud de l'Eurasie et le sud de l'Afrique. Merci beaucoup Brigitte Senus, c'est un débat passionnant que nous serons obligés de remettre l'ouvrage puisque voilà, on entend qu'on a eu à peine le temps de l'évoquer, on n'a pas parlé non plus de la notion de parturition, de station accroupie, mais on aura l'occasion. Parturition. On aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci Brigitte Senus, merci Christine Tardieu. On peut vous lire Comment nous sommes devenus bipèdes, le mythe des enfants loups, c'est chez Odile Jacob. Je vous rappelle que depuis hier, vous pouvez retrouver comme toutes les semaines les idées claires sur les réseaux sociaux de France Culture et de France Info. Les idées claires consacrées cette semaine aux baby boomers. S'agit-il d'une génération de privilégiés? On tente d'y répondre avec un sociologue. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. C'était Thibaut Nassim Ben aujourd'hui à la technique. Demain, bien comme je le disais tout à l'heure, c'est un vendredi consacré à la science-fiction. Ils sont là, à l'affût, ils sont malveillants, ils ont plusieurs visages au fil du temps, mais ils se déplacent souvent dans d'immenses tripodes munis de rayons destructeurs. Demain, Mars Attacks dans la méthode scientifique. Nous reparlerons de la guerre des mondes et de ses multiples adaptations à 16h jusqu'à preuve du contraire.